La tempête n'était pas moins intense sur terre que sur mer. Le même déchaînement farouche s'était fait autour de l'enfant abandonné. Il avait continué d'avancer dans le brouillard. Il marchait, ignorant, entre deux abîmes. Nulle hésitation. Ne pouvant marcher droit, il marchait ferme. Tout à coup, il se baissa. Il venait d'apercevoir de la neige quelque chose qui lui semblait une trace. Probablement le pied d'une femme. L'enfant, l'œil fixé sur les empreintes, se mit à suivre ce pas. Il cheminait un certain temps sur cette piste. Subitement, les empreintes s'effacèrent. C'était comme si la passante était envolée. Il prêta l'oreille. Une voix se fit entendre. Cette voix avait un peu du bêlement d'un agneau. L'enfant s'avança du côté d'où venait la voix. Il ne voyait toujours rien. La plaine continuait. Comme il hésitait, entre un instinct qu'il poussait à fuir et un instinct qu'il disait de rester, il aperçut dans la neige, à ses pieds, à quelques pas devant lui, une sorte d'ondulation de la dimension d'un corps humain. Une petite éminence basse, longue et étroite, pareille au renflement d'une fosse, une ressemblance de sépulture dans un cimetière qui serait blanc. En même temps, la voix cria. L'enfant se baissa, s'accroupit devant l'ondulation de ses deux mains quand commença le déblaiement. Apparut une face pâle. Ce n'était point cette face qui criait. Elle avait les yeux fermés et la bouche ouverte, mais pleine de neige. C'était la tête d'une femme. Cette femme était morte. Soudainement, il sentit son tâtonnement un mouvement faible et découvrit un misérable corps d'avorton, chétif, blême de froid, encore vivant, nu, sur le sein nu de la morte. C'était une petite fille. 5 ou 6 mois, 1 an peut-être. L'enfant prit la petite dans ses bras. Il avait sur lui un vêtement sec et chaud, sa vareuse. Il posa le nourrisson sur la poitrine de la morte, ôta sa vareuse, en enveloppa la petite fille, ressaisit l'enfant et, presque nu maintenant, sous les bouffées de neige que soufflait la bise, en portant la petite dans ses bras, il se remit en route. La petite, ayant réussi à trouver la joue du garçon, y appuya sa bouche et, réchauffée, s'endormit.